franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. On a voulu faire croire à une histoire d'amour. Rien n'était plus faux. Si le roi d'Angleterre, Édouard VIII, a abdiqué en 1936, ce n'était pas seulement pour les beaux yeux de Wallis Simpson, une Américaine deux fois divorcée qu'il désirait épouser, mais parce que le gouvernement britannique voulait écarter un monarque qui avait beaucoup trop de sympathie pour l'Allemagne nazie et ses dirigeants. Telle semble être en effet la vérité, évoquée récemment dans un documentaire diffusé sur France 3 et même par un film à succès, Le discours d'un roi. Une réalité bien éloignée de l'image véhiculée sur le papier glacé des hebdomadaires qui, malgré leur slogan, attachaient plus d'importance au choc des photos qu'au poids des mots. Que de reportages illustrés en effet sur ce couple apparemment romantique qui traînait sa nonchalante et élégante détresse dans les palaces du monde entier, les terrains de golf ou tous les endroits à la mode fréquentés par la jet-set. J'ai donc demandé à M. X de m'éclairer, car nous allons le constater, les services secrets ont eu à connaître de ce dossier et ont même joué un rôle primordial dans le processus qui allait conduire à l'abdication d'Édouard VIII, un souverain qui risquait de trahir son propre pays s'il était demeuré sur le trône. Enfin, et c'est un aspect curieux de cette histoire, il semble bien qu'un richissime Français, lui aussi très proche des nazis, ait été impliqué dans une affaire qui ne s'est pas arrêtée avec l'abdication du roi. Un point important pour commencer. La famille royale anglaise est d'ascendance allemande. George V, le grand-père de la reine Élisabeth, est né Saxe-Cobourg et Gotha. Et c'est seulement au cours de la Première Guerre mondiale, alors que le Royaume-Uni était allié de la France contre l'Allemagne, que la famille régnante a choisi de s'appeler Windsor. Ouais, c'était plus sage. Oui, car il ne faut pas oublier qu'au-delà de cette question de nom, il y avait aussi les liens du sang. L'empereur Guillaume II était le petit-fils de la reine Victoria. Ouais, tout comme George V, le père du prince de Galles, futur Édouard VIII. Hein. George V était donc un petit cousin du Kaiser. Et ne fait nul doute que le déclenchement de la Première Guerre mondiale a dû être vécu comme un déchirement par la famille royale anglaise. Ouais, mais à Londres, le roi régnait, mais ne gouvernait pas. Autre chose, Édouard VIII était très attaché à ses racines allemandes. Il en était même fier. Il avait d'ailleurs été élevé par une russe allemande et avant la guerre, il avait passé au moins à deux reprises des vacances chez ses cousins. Des séjours qu'il a appréciés et qui l'ont marqué. Toutefois, à l'heure du conflit, il a été mobilisé puisqu'il avait 20 ans, mais prudemment, s'il a bien été envoyé en France, il a été tenu éloigné du front. Ouais, il n'a donc pas combattu. Hein ? Non. Enfin, ça permet de mieux comprendre l'attitude future d'Édouard VIII. Les Windsor ont été aussi traumatisé par le destin tragique d'une autre famille royale auquel ils étaient apparentés. Les Romanov ? Oui, le tsar Nicolas II était par exemple le parrain d'Édouard VIII. L'exécution des Romanov par les bolcheviks a effrayé les Windsor et incontestablement nourri leur détestation du communisme. Et cela à un moment, l'après-guerre, où la Grande-Bretagne est en proie à la crise économique et sociale des années 20. Une crise qui culmine avec la grève générale de 1926. Et pour la famille royale, c'est une nouvelle raison de craindre la menace bolchevique. C'est si vrai qu'Édouard et son frère cadet, le prince Albert, sont mis à contribution pour détourner l'opinion publique de la tentation du bouleversement social. Ouais, mais de quelle façon ? Edward parcourt l'Empire, enchaîne les visites officielles dans les colonies britanniques afin de mettre en avant les aspects positifs de la monarchie. Et ça fonctionne, ça ? Oui, le prince de Galles est un personnage d'apparence aimable, plutôt bel homme. Un séducteur. Certainement. Donc, un peu partout, il est accueilli comme une star et bénéficie d'une couverture de presse digne d'une vedette de cinéma. Ouais, très populaire. Oui. Donc, Et que peut-on dire de sa personnalité ? Ce dandy aime faire la fête et s'amuser. Bref, tout le contraire de son père qui arbore toujours un air sévère, tant il est persuadé qu'il en va de la dignité royale. Pourtant, Édouard sait qu'il succédera un jour à son père. Hein. Et qu'il sera donc roi à son tour, oui. Il a été en effet élevé dans cette idée. Mais manifestement, son plaisir passe avant tout. C'est particulièrement évident dans sa vie privée. Édouard enchaîne les liaisons, souvent éphémères, avec des femmes mariées. L'action de la famille royale. George V et la reine Marie apprécient peu. Ils jugent même que le comportement de l'héritier du trône est irresponsable. Mais leurs sermons n'y font rien, heureusement. À l'époque, la presse se garde bien d'évoquer les frasques des membres de la famille royale. Ouais, c'est encore tabou, hein. Oui, alors venons-en à la rencontre d'Edward avec Wallis Simpson. Oui, quand alors ? À l'automne 29, chez l'une de ses maîtresses d'ailleurs. Très vite, le prince de Galles tombe amoureux. Et qui est-elle alors ? C'est une Américaine qui a déjà dépassé la quarantaine. Plutôt jolie, sans être pour autant un prix de beauté. Elle s'est mariée une première fois avec un certain Spencer, un officier de la marine. Au début des années 20, elle a accompagné celui-ci en Chine. Selon des témoignages concordants, elle aurait alors mené une vie assez libre et même libertine, puisqu'avec son époux, elle aurait fréquenté des salons de massages érotiques, ou dit-on, elle aurait appris quelques techniques amoureuses très convaincantes. Ah bah, comme vous y allez. Ah bah, je n'invente rien. Hein. Autre détail intéressant, elle aurait alors connu le comte Ciano, le futur gendre de Mussolini, qui serait devenu son amant. Un peu plus tard, elle divorce et se remarie en 1928 avec Ernest Simpson, un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans le transport maritime. Et c'est donc alors seulement un an après qu'elle rencontre le prince de Galles. Allez, ce n'est pas le fruit du hasard. L'ambitieuse Wallis voulait à tout prix le rencontrer et a joué de toutes ses relations pour arriver à ses fins. Et le séduire. Bah, naturellement. Ouais. Ce n'est donc pas le coup de foudre. Ah, pour Edward, peut-être, mais pas pour Wallis, qui était d'abord avide de pouvoir et d'argent. Au reste, les proches du couple ont toujours douté de l'authenticité des sentiments qu'elle éprouvait pour le prince. Ils ont même remarqué à plusieurs reprises que Wallis était parfois distante et dure avec lui. Mais lui, il était sous le charme. Ah, subjugué, oui, et sans doute physiquement comblé. Ouais, enfin. Mais qu'imaginait-elle ? Ben, je pense que dès cette première rencontre, elle envisageait non seulement de devenir sa maîtresse, mais peut-être de se faire épouser. Elle était déjà mariée. Bon, qu'à cela ne tienne, elle était bien décidée à divorcer pour atteindre son objectif. Ouais. Est-ce que cette liaison a été très vite connue ? Oui, les deux amants ne se cachaient guère. À la cour et dans les milieux de la gentry britannique, personne n'ignorait que Wallis était devenue la maîtresse de l'héritier de la couronne. Mais encore une fois, la presse est restée silencieuse. Et le peuple a été tenu dans l'ignorance. Un peuple qui continuait à aduler ce si charmant prince de Galles. Et heureusement, parce que s'il avait eu connaissance de cette liaison avec une roturière deux fois divorcée, il n'aurait guère apprécié. Il faut rappeler qu'en Angleterre, le souverain est le chef de l'Église anglicane. Oui, ce que deviendra automatiquement Edward à la mort de son père. Et bien sûr, l'exercice de ce magistère religieux et moral n'est pas compatible avec un mariage avec une femme divorcée. Mais enfin, n'allons pas trop vite, car George V est encore en vie lorsque commence la liaison de son fils avec Wallis. La maison royale peut donc espérer qu'Edward mettra fin à cette aventure avant de monter sur le trône. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que George V et la reine Marie font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir ce résultat. Wallis, par exemple, ne sera jamais reçu par la reine. Mais ce sont surtout les services de renseignement britanniques qui vont se mettre en travers des ambitions de la maîtresse du prince. Pour quelles raisons s'intéresse-t-il à elle ? Ce qui touche l'héritier de la couronne ne peut les laisser indifférents, ne serait-ce que pour le protéger. Oui. Donc les services ont commencé à enquêter sur Wallis. Et ils n'ont pas tardé à dénicher les détails les plus scabreux sur son passé. Ah oui, les salons de massage érotique en Chine. Entre autres. Plus inquiétant, ils ont découvert que ces officines dissimulent souvent des activités d'espionnage. C'est en particulier dans l'un de ces établissements très spéciaux que Wallis aurait rencontré le comte Ciano. Oui, Ciano qui sera le ministre des Affaires étrangères de son beau-père Benito Mussolini. Hein. Autre révélation qui inquiète au plus haut point le gouvernement britannique et la famille royale, Wallis va nouer des relations avec de nombreux hauts dignitaires nazis qui arrivent au pouvoir en 1933. Non pas que les Windsor et le cabinet conservateur qui est alors en place à Londres soient alors vraiment hostiles à Hitler, mais cette fréquentation de Wallis avec des représentants d'une puissance étrangère est jugée malsaine. Que devrait-on craindre ? Wallis pourrait être payé par Berlin pour influencer le prince en faveur de l'Allemagne. Deuxième crainte des services secrets britanniques, l'intrigante, grâce à son amant, pourrait obtenir des informations confidentielles sur le Royaume-Uni et, dans ce cas, serait en mesure de les communiquer directement à Berlin. Fantasme ou réalité, là ? Le FBI américain a aussi mené une enquête sur Wallis. Wallis Simpson était citoyenne états-unienne, après tout. Hein. Oui, dans le rapport secret que le FBI a rédigé, il est mentionné qu'en 1936, Wallis a entretenu une liaison avec von Ribbentrop, alors ambassadeur d'Allemagne à Londres. Et lui aussi deviendra ensuite le ministre des Affaires étrangères de son pays. Alors, bien sûr, il faut ici faire la part de la rumeur, mais les agents secrets qui surveillaient la maîtresse du prince de Galles ont noté que Ribbentrop avait l'habitude de lui envoyer 17 roses rouges. 17, hein, chiffre bizarre, ça. Il paraît que c'était le nombre de fois où ils avaient fait l'amour. Un rappel subtil et délicat de leurs deux amoureux. En quelque sorte. Ce rapport du FBI précise même que Wallis et von Ribbentrop avaient passé un véritable marché, un pacte, si vous voulez. Et ce qui était déjà inquiétant au moment où le prince de Galles n'était que l'héritier du trône deviendra encore plus préoccupant quand Édouard montera sur le trône. Éclairage intéressant sur la personnalité du prince de Galles. Il émane d'Alan Lascelles, le secrétaire particulier d'Edward, et il est relaté par Martin Allen, un journaliste britannique très critique. En 1928, le prince de Galles et son secrétaire voyagent au Kenya. Je cite Allen. Lorsqu'on reçut la nouvelle que George V était gravement malade et qu'on redoutait une issue fatale, Edward refusa obstinément d'abréger son voyage afin de rentrer plus tôt en Angleterre. Lascelles rapporta la scène dans une lettre à sa femme. « Alors, pour la seule et unique fois depuis que nous nous connaissons, je me suis emporté. Prince, dis-je, le roi d'Angleterre est mourant, et si cela ne représente rien pour vous, cela représente beaucoup pour nous. » Il me regarda sans un mot et passa le reste de la soirée à séduire avec succès, une certaine Mrs. Barnes, épouse du commissaire local. Une autre fois, Lascelles devait écrire « Je ne peux m'empêcher de penser que ce qui pourrait arriver de mieux pour lui et pour le pays, ce serait qu'il se rompe le cou. » Pour clore le chapitre des infidélités de Wallis, il me faut ajouter que von Ribbentrop n'était pas son seul amant. Des archives officielles rendues publiques en 2003 ont révélé que l'Américaine entretenait parallèlement une liaison avec un certain Trundle, un ingénieur marié. Ça prouve au moins que, contrairement aux bluettes qu'on a si longtemps propagées sur le couple, le prince de Galles n'était pas le grand amour de Wallis Simpson. Ça semble en effet évident. Toutefois, ce roman à l'eau de rose, devenu mythique, arrangeait bien du monde. Et il a fait vendre beaucoup de papiers. Enfin, n'allons pas trop vite. D'abord, une anecdote significative qui n'a pas manqué d'alerter le gouvernement. Sir Oswald Mosley, le fondateur du parti nazi britannique, se marie. Et pas n'importe où. Dans la résidence personnelle de Goebbels. Et Adolf Hitler figure parmi les invités de la noce. Eh bien, Wallis Simpson envoie ses félicitations personnelles au couple. Alors, venons-en à une question essentielle. Si Edward a manifesté une sympathie pour le nazisme, était-ce sous l'influence de sa maîtresse ? Bien, était-ce un penchant personnel ? Exactement. Voilà. Votre avis ? Wallis n'a certainement rien fait pour contrarier ce sentiment, mais Edward n'avait pas besoin d'elle pour se forger une opinion. Par exemple, il a très tôt affiché ses affinités pour le fascisme mussolinien et plus tard pour le régime nazi, qui, selon lui, permettait à l'Allemagne de connaître un véritable miracle économique. Je n'invente rien, il l'a écrit. Comme il a aussi écrit que la Grande-Bretagne devait tendre une main amicale à l'Allemagne de Hitler. Ouais, ça, au moins, c'est clair. Et quand monte-t-il alors sur le trône ? Le roi George V meurt en janvier 1936. Dès lors, le prince de Galles lui succède sous le nom d'Édouard VIII. Mais, détail important, il ne sera vraiment roi à part entière que lorsqu'il sera couronné. Et c'est prévu pour quand ? Le couronnement doit avoir lieu en mars 1937. Il faut observer que le soir même de la mort de George V, Édouard VIII reçoit la visite de son cousin allemand, Karl Edward Coburg. C'est un proche d'Hitler, adhérent au parti nazi et même général des SA depuis 1933. Et cette visite ne doit peut-être rien au hasard. C'est certain. Il est en mission. Il doit convaincre Édouard VIII de la nécessité d'une amitié entre l'Allemagne et l'Angleterre. Ouais, et le roi ne doit pas être trop difficile à convaincre. Oui, Édouard VIII annonce même qu'il a l'intention de rencontrer Hitler. Et quand son cousin lui fait remarquer qu'il devra préalablement en informer le Premier ministre Stanley Baldwin, Édouard monte sur ses grands chevaux. Qui est le roi dans ce pays, Baldwin ou moi ? Il entend donc déroger à la règle selon laquelle le roi d'Angleterre ne doit pas prendre d'initiative politique sans l'aval du gouvernement. Et jusqu'à l'heure de son abdication, il ne cessera d'adopter cette attitude. On voit ça tout de suite. Avant, dites-moi ce que devient Wallis, là. Elle s'est installée dans la résidence de Fort Belvedere où demeure Édouard VIII en attendant son installation à Buckingham Palace. Et Wallis s'y conduit en maîtresse de maison. Alors revenons là sur ces coups d'épingle portés à la règle constitutionnelle. Bon, une constitution qui n'est pas écrite, je vous le rappelle. Et tout ça va très vite. Alors que Mussolini envahit l'Éthiopie en utilisant des armes interdites comme les gaz, Édouard VIII montre ostensiblement qu'il soutient le dictateur italien. Il rencontre officiellement Dino Gandhi, ambassadeur de Mussolini à Londres, et lui affirme qu'il tient pour morte la Société des Nations qui veut imposer des sanctions à l'Italie. Ça, c'est donc une ingérence politique. Et ce n'est qu'un début. Quant au mois de mars 1936, Hitler rompt le pacte de Locarno et ordonne à ses troupes de franchir les ponts du Rhin pour remilitariser la Rhénanie. Édouard VIII interdit à son gouvernement d'intervenir. Il impose même à Baldwin un ultimatum. Si le gouvernement décide malgré tout d'agir, il abdiquera. Le gouvernement se trouve donc paralysé. Et c'est très grave. Oui, parce que sans Londres, Paris n'interviendra pas. Conséquence, Hitler a désormais le sentiment qu'il peut faire ce qu'il veut en toute impunité. Et d'abandon en concession, ça conduira directement au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Hitler aurait-il pu connaître à l'avance la réaction d'Édouard VIII ? C'est ce que certains historiens ont prétendu. Et après tout, ce que lui a rapporté le cousin du roi après son entrevue avec ce dernier était effectivement encourageant. Mais il y avait peut-être autre chose. Édouard VIII semblait particulièrement négligent avec les documents officiels et les rapports secrets que le gouvernement lui communiquait jour après jour. Il les laissait généralement traîner sur son bureau, et donc visible aux yeux de tous. Et surtout ceux de Wallis. C'est ce que laisse entendre ce rapport du FBI dont je vous ai parlé, et qui relayait les informations des services britanniques. Wallis aurait détourné certains de ces documents très confidentiels et les aurait transmis à Ribbentrop. Existe-t-il des preuves de cette trahison ? Non, mais c'est la conclusion à laquelle sont parvenus les services secrets et le gouvernement britannique. Car à partir de l'été 1936, le ministre des Affaires étrangères et le chef de l'Intelligence Service ont décidé de ne plus transmettre de documents confidentiels au roi. Oui, afin d'éviter toute fuite. Oui, et dès cette époque, le gouvernement songe à la meilleure solution qui permettrait d'écarter le roi. Et d'obtenir son abdication. Évidemment. Et cette solution se trouve près du roi, au plus près. À Wallis. Bien sûr. On va utiliser de façon assez machiavélique la liaison du roi pour le déstabiliser. Alors comment ? Je vous raconte. En août 1936, Édouard VIII et Wallis partent pour une croisière en Méditerranée. Ils sont suivis par une nuée de journalistes du monde entier. Mais parmi eux, aucun reporter britannique. Pourquoi là ? Parce que les patrons des grands journaux de Londres, tous au moins aussi réactionnaires que leur roi, ont décidé de proscrire tous les articles et photos qui pourraient dévoiler la liaison de Wallis avec le souverain. Par amitié pour ce dernier ? Oui, parce qu'ils savent qu'une telle révélation nuirait à son image. Par conséquent, à moins de faire partie de la haute société britannique, personne en Grande-Bretagne n'est encore au courant. Oui, ça paraît assez extravagant aujourd'hui. Oui, à l'heure de la mondialisation de l'information. Mais en 1936, il n'y a ni télévision ni Internet. D'accord, mais les journaux étrangers parvenaient en Angleterre. Certes, mais cette presse était envoyée par les distributeurs à un bureau spécial qui caviardait les articles relatifs à Wallis. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Là. Supprimer cette censure serait peut-être un bon moyen d'embarrasser le roi. Et de faire connaître enfin au peuple anglais la vérité sur la liaison de son roi. Mais le Premier ministre, Stanley Baldwin, n'a même pas besoin d'en arriver là. Car le roi lui-même va engager sa tête dans le nœud coulant. Baldwin, qui par ailleurs sait que les Britanniques vivant à l'étranger et qui ont lu des reportages sur la croisière en Méditerranée, ont été choqués. Expliquez votre image là, du nœud coulant. Le roi a exprimé à plusieurs reprises son intention d'épouser sa maîtresse. D'autre part, celle-ci a entamé une procédure de divorce. Oui, son mariage avec Simpson. Oui. Dès qu'Édouard VIII revient de ses vacances méditerranéennes, Stanley Baldwin se présente chez le roi et lui fait valoir que Mrs. Simpson ne serait pas une épouse acceptable. L'Angleterre ne peut accepter une reine deux fois divorcée. Les sujets britanniques ne l'accepteraient en aucun cas. Le Premier ministre somme donc Édouard VIII de choisir le mariage ou la couronne. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Whip, des. Clip, crack, des. Bang, des. Blanc, et des. Zip, shabam, pow, blanc, whew. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait. Vlam, ça fait. Splash, et ça fait. Stop. Ou bien, bon, ou parfois même. Shabam, pow, blanc, whew. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Whip, des. Clip, crack, des. Bang, des. Blanc, et des. Zip, shabam, pow, blanc, whew. Viens avec moi par-dessus le building. Ça fait. Whew. Quand on s'envole et puis. Cling. Après quoi. Et ça fait. Boing, shabam, pow, blop, whew! Shabam, pow, blop, whew! Shabam, pow, blop, whew! Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Whip, des. Clip, crack, des. Bang, des. Blop, et des. Zip, shabam, pow, blop, whew! Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. En 2003, les autorités britanniques rendent public un certain nombre d'archives sur Wallis Simpson, sous le titre. L'amoureux secret de Wallis. Le Figaro écrit ceci. Selon les documents publiés hier par le gouvernement, Wallis Simpson avait un amoureux secret dans les années 30, alors qu'elle était déjà courtisée par le prince de Galles, Scotland Yard, qui espionnait la jeune femme avait découvert que celle-ci avait une liaison, à l'insu de son royal soupirant, avec Guy Trundle, un ingénieur en mécanique qui vendait des voitures pour la compagnie Ford. Selon un rapport du Yard du 3 juillet 1935, Mrs. Simpson avait même donné de l'argent à cet homme marié et elle lui avait acheté des cadeaux coûteux. Trundle est décrit comme un aventurier très charmant, de très bonne apparence, de bonne éducation et excellent danseur. Selon le rapport, il rencontre Mrs. Simpson très ouvertement dans des réunions informelles en société en tant qu'ami personnel, mais il se rencontre aussi secrètement en se donnant rendez-vous pour des relations intimes. Comment Édouard VIII a-t-il réagi à cet ultimatum du Premier ministre ? Édouard VIII campe sur ses positions. Il veut épouser Wallis. Et pour mieux montrer sa détermination, il informe son ami William Randolph Hearst, magnat de la presse américaine, de la date du mariage. Ce sera le 8 juin 1937. Ouais, et Hearst, messieurs, publie l'information. En octobre 1936. Ouais. Alors c'est donc la guerre entre Baldwin et Édouard VIII. Tout à fait. Et le roi, une nouvelle fois, en prend à son aise avec le fonctionnement de la monarchie constitutionnelle. En novembre, lors d'une tournée royale dans le pays de Galles, sinistrée par la crise, Édouard VIII déclare à propos des conditions de vie et de travail des mineurs que quelque chose doit être fait en faveur de ces travailleurs. C'est une remarque de bon sens. Ben oui, mais qui fait enrager le gouvernement, car le roi doit s'abstenir de se mêler publiquement de l'action du gouvernement. Sa déclaration est assez révélatrice de la méconnaissance, voire du mépris, qu'a le roi pour la monarchie constitutionnelle. En fait, Édouard VIII n'a jamais compris que son statut de roi ne lui accordait que très peu de pouvoir. C'est pourquoi, à propos de son mariage, il est persuadé que le gouvernement cédera. Oui, ce qui est faux. Oui. Baldwin est bien décidé à résister. Aussi, le roi fait-il un petit pas en arrière et il suggère maintenant de contracter un mariage morganatique avec Wallis. Oui, un tel mariage permet d'épouser une femme de condition inférieure sans qu'elle accède à la même position que son épouse. Et sans que leurs enfants éventuels puissent hériter du titre ni des biens. Mais Stanley et Baldwin refusent une nouvelle fois. En même temps, en cette fin 1936, la liaison entre le roi et sa maîtresse est devenue un secret de polichinelle en Grande-Bretagne. Et les critiques fusent de tous côtés. Wallis est décrite par la presse anglaise comme une roturière divorcée, indigne de la famille royale. Certains journalistes la surnomment même la putain royale. C'est un effet violent. À tel point que Wallis se réfugie précipitamment dans le sud de la France chez des amis, tandis que Mosley, le leader du parti nazi britannique, déclare apporter son entier soutien au roi. Il réclame même un référendum et annonce que lui et ses chemises noires se rangent aux côtés d'Edward. Une prise de position qui ne doit pas arranger les rapports du roi avec le gouvernement. Là. Forcément, Édouard VIII envisage alors une dernière solution. Il veut en appeler directement au peuple. Il prévoit donc de s'exprimer à la radio et d'expliquer sincèrement sa situation aux Britanniques afin de leur demander de trancher. En passant par-dessus la tête du gouvernement. Et au risque de diviser le pays, mais Stanley Baldwin s'y oppose. Toute déclaration royale d'intérêt public devant obtenir le feu vert préalable du gouvernement. Édouard VIII ne s'est donc pas exprimé à la radio. Mais le discours qu'il avait envisagé de prononcer a été gardé, extrait. Ce soir, je vais vous parler comme à des amis. Je ne peux pas continuer à porter le lourd fardeau qui pèse constamment sur moi si je ne suis pas soutenu par une vie conjugale heureuse. Aussi suis-je fermement décidé à épouser la femme que j'aime dès qu'elle sera libre de s'unir à moi. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de trouver celle dont je veux faire mon épouse. Sans elle, j'ai été un homme très seul. Oui, à ce moment, on se dirige donc presque inéluctablement vers l'abdication. Le matin du 10 décembre 1936, Édouard VIII signe son acte d'abdication en présence de ses trois frères, dont Albert, le duc de York, qui lui succédera sur le trône sous le nom de George VI. Puis, dans la nuit du 11 décembre 1936, Édouard VIII annonce son abdication lors d'une allocution radiodiffusée. Le lendemain, 500 chemises noires d'Oswald Mosley se rassemblent devant le palais de Buckingham en faisant le salut fasciste et en hurlant « Nous voulons Édouard !» Et Wallis, alors, qu'en a-t-elle pensé? C'était un peu son rêve qui s'écroulait, non? D'après ce que l'on sait, elle a écouté le discours d'abdication d'Édouard en compagnie de ses amis français. Elle se serait écriée « Non mais quel idiot !» Elle aurait même piqué une crise de nerfs. En effet, Wallis aurait préféré rester la maîtresse d'un roi plutôt que de devenir la femme d'un duc. Ce que va être dorénavant Édouard. Oui, duc de Windsor. Mais il conserve le rang de prince. Toutefois, son épouse, elle, n'aura jamais droit au titre d'altesse royale. Cependant, son frère George VI s'engage à lui verser 25 000 livres par an pour maintenir son train de vie. Mais il est évident qu'on ne souhaite pas le revoir de sitôt à la cour, surtout s'il est accompagné de sa future épouse. Il rejoint Wallis, là ? Pas tout de suite, non. Ses avocats lui conseillent en effet de ne pas vivre avec elle tant que le divorce ne sera pas prononcé. Quant à Wallis, elle s'installe au château de Candé, en Touraine. C'est la propriété du richissime Charles Eugène Bedeau. Un curieux personnage qui va avoir une influence néfaste et même franchement désastreuse sur Édouard. Il m'a raconté. Il faudrait un entretien entier pour parler de cet homme. Alors, disons simplement que cet ingénieur français a certainement été un agent de renseignement pro-allemand avant de partir aux États-Unis, où il a fait fortune grâce à un procédé permettant d'augmenter la cadence de travail des ouvriers. Autant vous dire qu'il est rapidement devenu la bête noire des syndicats. Oui, mais ça lui a donc permis de gagner beaucoup d'argent. Oui, oui, car les plus grands industriels ont adopté son système. Les Américains, mais aussi les Allemands. Bedeau est en effet devenu un familier des dirigeants nazis les plus importants. Et même de Hitler lui-même, puisqu'il ira jusqu'à acheter une propriété proche du nid d'aigle du Führer. Berchtesgaden, hein. Vous avez évoqué une influence néfaste. Oui. Mais auparavant, je dois vous dire que le divorce de Wallis est prononcé fin avril 1937. Aussitôt, Édouard part retrouver Wallis à Candé, où les deux amants vont se marier en juin. Une cérémonie sans grand faste, qui a certainement dû décevoir ces deux vaniteux. Aucun membre de la famille royale n'était présent. Mais alors, revenons à Bedeau. Il est à l'origine d'une initiative qui va durablement ternir la réputation du duc de Windsor. L'organisation, en octobre 1937, d'un voyage en Allemagne sous le prétexte d'y étudier les conditions de travail des ouvriers. Prétexte, avez-vous dit ? Oui, oui, parce qu'en réalité, l'objectif est politique, à plusieurs titres. Ce voyage, abondamment photographié et filmé, où Windsor va rencontrer tous les dignitaires nazis, est exploité par la propagande du régime. Ouais, vous voyez, nous ne sommes pas des pestiférés. C'est à peu près ça. Ouais. Et ensuite, chez Hitler, qui va recevoir les Windsor, comme si le duc était encore Édouard VIII, il y a l'espoir insensé de se rapprocher de la famille royale britannique. Et plus tard, il imaginera même de le rétablir sur le trône. Mais comment, là ? Les nazis ont vraiment envisagé cette hypothèse au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment où ils pensaient envahir l'Angleterre. Mais on en reparlera. Quoi qu'il en soit, les Windsor ont apprécié d'être traités avec autant de déférence. Ouais, sans penser aux conséquences désastreuses de la publication de ces photos là où il sourit aux côtés d'Hitler. Bien entendu. Et il faut comprendre qu'Edward était réellement un homme de sa caste. À Londres, beaucoup d'aristocrates n'étaient nullement effrayés par Hitler. Bien au contraire. Et les propriétaires des plus grands journaux anglais, Lord Beaverbrook et les frères Harmsworth, étaient sur la même longueur d'onde, en tout cas. Si la réception chez Hitler a été incontestablement une sérieuse bévue pour Windsor, il y aura encore plus grave. Quoi alors ? En septembre 1939, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Les Windsor veulent rejoindre Londres, mais George VI et le gouvernement s'y opposent. Édouard et Wallis restent donc à Paris, humiliés par ce nouvel affront. Pendant cette période cruciale, ils seront surveillés de près par les services secrets britanniques, eux et leurs proches. Ah oui, Charles Bedeau, alors. Oui, aux yeux des services, l'homme est suspect. Et il est donc expressément demandé au duc de ne plus avoir de rapport avec lui. Il s'incline ? Non. En tout cas, il est affecté à la mission militaire britannique en France, où il est chargé d'une mission d'inspection et d'amitié sur le front. Mais ça se passe pendant la drôle de guerre, hein, comme on l'a appelé. Oui, le duc de Windsor se révèle être un observateur perspicace. Il remarque la faiblesse des troupes françaises sur le front des Ardennes et il en informe Londres. Or, parallèlement, les Allemands obtiennent les mêmes informations. Et je vous rappelle qu'en mai 40, ils choisiront justement d'attaquer dans les Ardennes. Avouez que c'est troublant. Oui, mais alors, que peut-on en conclure ? Deux hypothèses ont été émises. Selon la première, c'est Wallis qui aurait transmis ces informations aux Allemands via Ribbentrop, avec lequel elle est restée en relation. La deuxième est encore plus préoccupante. C'est le duc lui-même qui aurait fait part de ses observations sur le front français à son ami Bedeau. Et celui-ci aurait personnellement informé Hitler au cours d'une rencontre qui a eu lieu en novembre. Et le duc de Windsor ne pouvait ignorer que Bedeau était dans les meilleurs termes avec Berlin. Mais ça ressemble donc à une trahison, ça. Et quelques historiens sont même allés plus loin. Ils ont suggéré que le duc de Windsor avait passé un véritable pacte avec Hitler. Son rétablissement sur le trône en cas de victoire allemande. Oui, ça explique sans doute qu'après la guerre, pour sauvegarder l'honneur de la famille royale, les services britanniques ont lancé une véritable traque pour recueillir et détruire tous les documents nazis qui auraient pu fournir la preuve de la compromission du duc de Windsor. Le sel de l'histoire est que cette délicate mission a été confiée à un jeune et brillant officier, un certain Anthony Blount. C'est l'une des taupes du réseau Filby, ça. Oui, aussi surprenant que cela paraisse, c'est donc un agent des soviétiques qui a été chargé de blanchir Windsor. Quatre livres pour terminer « Le roi qui a trahi » de Martin Allen, « La scandaleuse duchesse de Windsor » de Charles Higham et tout récemment « Une vie de reine, le roman des Windsor », un ouvrage d'Annick Le Floch-Moine. Enfin, ça n'a rien à voir avec les Windsor, un livre hommage à G. Lenôtre, l'historien de la petite histoire, comme on l'a appelé, un livre rédigé par 11 authentiques historiens qui ont fouillé dans l'œuvre prolifique de Lenôtre et donné une nouvelle vie à son extraordinaire talent de conteur. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez obtenir tous les renseignements que vous voulez sur cette émission qui a été préparée par Agathe Gilberg et réalisée par Stéphane Combe et Fabrice Laigle. Et bien sûr, mise en musique par M. Djoub. Et tout de suite après, le flash CO2 « Mon amour » de Denis Chessou.